Thank you. Allô, Corinne ? Allô ? Allô ? Corinne ? Excusez-moi, je vais parler à Corinne, s'il vous plaît. Allô ? Papa ! Allô ? Corinne ? Je n'ai pas les esprits, c'est pas Corinne ! Allô ? Oui. Je pars pour ta mère ?